rêve c'est devenu ton train de vie. Fuck you pay me, charbon chaque jour. Mais ça dépite grâce à nos hauts, le rempli de souffrance. Ouais, j'étais où on arrive à plein dans la gova. Il diminue sur le terrain, les yachts ils sont trop humains. Tu veux un rêve, j'étais fou, on arrive, l'équipe elle fait trop de sale. C'est qu'on encaisse des sous, alors j'suis devenu un pro. Allume pas les bêtes, ta voiture est chargée, elle veut mon bébé, mais j'peux pas le garder. Des affaires avec moi, c'est me retarder, j'suis prêt le week-end, tu peux regarder. On vise Copacabana, bandit dans la bagnole, eh. Polo Dolce Gabbana, j'suis sur Paname vers Bagnolet. Yeter en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse, c'est le week-end. Yeter en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse, c'est le week-end. Ça tire comme un thumbdown dans le bloc, c'est tout pour le papier. Tu tiens la bonbonne comme d'hab, c'est devenu ton train de vie. Fuck you pay me, charbon chaque jour. Mais ça dépite quand dans nos hauts, le rempli de souffrance. C'est comment aujourd'hui la recette du rein t'es bonne ou pas. L'argent me déprend du bois. Pas ou pas on ne nous teste pas. Le bosseur est posté bien sûr. Il fait son boulot pas peur de la cellule. T'es pas nous ta coste. Je suis antenne ensemble la coste. Machine à billets je peux pas roupiller. Même le big end le point de vente. Bang bang dans ton hall. C'est pas pour un lasse je ramasse. Tout le camas dans un gamos. Clap neuf sous le bomber. On fait du sale dans la zone aimée comme on fume les ébécaignons. On fait du sale dans la zone aimée comme on fume les ébécaignons. Guetteur en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse, c'est le week-end. Guetteur en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse, c'est le week-end. Ça tire comme un thumbdown dans le bloc, c'est tout pour le papier. Tu tiens la bonbonne comme d'hab, c'est devenu ton train de vie. Fuck you pay me, charbon chaque jour. Mais ça dépite quand dans nos hauts, le rempli de souffrance.